Chapitre 4e, 3e et 4e manière. Ce génie était celui de l'idylle. Il n'est pas très étonnant qu'elle s'en soit avisée assez tard. Il était ignoré en France depuis les origines de notre littérature. Il est tout ce qu'il y a de plus étranger au génie français. Jamais un littérateur français n'avait regardé un paysan. On n'avait jamais, chez nous, que transposé des idylles grecques, ce qui est un exercice littéraire assez agréable, ou promener de beaux messieurs et de belles dames dans les herbages, ce qui n'est pas du tout une idylle. Paul et Virginie eux-mêmes sont des enfants des classes bourgeoises accompagnés d'un philosophe sensible. George Sand, la première, nous mena en pleine campagne au profond labour. Elle y était admirablement propre et préparée. Elle n'aimait pas les compagnies, les conversations des villes, les salons. Elle n'avait pas ce qu'on appelle « esprit » dans le monde. Le choc vif et rapide des idées légères. Elle était contemplative, rêveuse, d'allure lente et très curieuse de mystérieux. L'âme rustique est faite ainsi. On a tant parlé des paysans poètes de George Sand, de ces êtres tout de convention et purement littéraires, qu'il est temps de réagir, au moins un peu, contre ce lieu commun de la critique. La vérité est que le paysan est dur, avare, âpre à la peine et au gain, mais très sensible aux idées de justice, de sens très droit, défiant et sournois seulement à notre égard, mais avec les gens de sa classe, pitoyable et de bon secours, infiniment plus sensible qu'on ne croit, dévoué aux siens, respectueux des vieillards, d'une vie de famille très forte et solide, d'amour long, patient et profond, très accessible aux merveilleux, et la tête toute hantée de légendes, de rêves effrayants et doux qui flottent dans son âme obscure. Il y avait là de très grandes sources de poésie parfaitement laissées à l'écart depuis Théocrite. George Sand les a retrouvées. Où voit-on qu'il nous est trompé? Elle n'embellit que par la forme. Le fond est très vrai. Le paysan très beau, de fière encolure et de belle voix, qui n'ignore pas ce qu'il vaut et qui s'étale un peu avec une coquetterie rustique. Le meunier d'Angibault est parfaitement exact. Il y en a un dans chaque commune. Le paysan demi-bourgeois, un peu alourdi par l'aisance, aux pommettes rouges, au cou gras, qui rêve d'un monsieur pour sa fille, la petite Fadette, ou qui a des habitudes de pacha de village, la mare au diable. La coquette de campagne maniérée, finaude et despotique, la mare au diable, Valentine, bonne au fond et sensée, les maîtres sonneurs. L'amoureux timide, enfoncé dans son idée fixe, point découragé pour cela et toujours rude travailleur, mais muet, ne mangeant plus, dépérissant sur sa charrue, et qui va mourir au sillon si on ne le force à parler, la mare au diable. La paysanne, plus fine que l'homme, avisée et prudente, avec un grain de malice rustique qui est un trait bien français, la mare au diable, Fadette. La fille des Landes, la pastoure, grave et douce, toute nourrie de légendes mystérieuses, associant dans une religion confuse le respect de la Vierge, la croyance aux bonnes fées, et le désir du trésor caché sous les pierres druidiques, Jeanne. Tous ces caractères si variés sont puisés en pleine réalité, et pour qui connaît les champs, ont une saveur de terroir. Ce sont les paysans de Balzac qui sont sortis d'une observation courte et d'une information rudimentaire. Et il y a plus de vérité encore dans le détail. Cette mare au diable est un chef-d'œuvre. Le jeune veuf, qui aime parce qu'il aime, mais aussi parce que Marie plaît à son petit garçon et sait l'apaiser, le soigner, l'endormir, et aussi parce que Marie est vaillante et sobre. Sais-tu bien que tu n'es pas une femme difficile à nourrir? Les vieux, amoureux du bien, et qui voudraient une bru riche, mais quoi? Le garçon languit, il faut être juste, et aussi ne pas perdre un si bon laboureur. Qu'ils disent qu'il aime. Fût-ce la plus pauvre, on la lui donnera. Et en effet, le lendemain de la noce, comme il laboure ferme. La kermesse berrichonne des maîtres sonneurs dirigée par le beau cornemuseau Uriel. Le duel à coups de poing à Nohant et le duel au bâton dans la forêt du Bourbonnais sont d'une largeur et d'une vigueur de trait toute épique. Et comme ils sont composés, ces romans-là, au contraire des autres œuvres de notre auteur, comme le paysage, les scènes, les dialogues et les caractères sont dans de justes proportions, sans que les uns empiètent sur les autres. Comme on savoure les descriptions sans se douter qu'il y a des descriptions, tant elles sont bien mêlées au récit et nécessaires à l'œuvre. C'est que parmi tous nos peintres de la nature, George Sand a une place bien à part, une originalité exquise. Elle a de la nature comme une connaissance intime, une sensation familière. Elle rappelle La Fontaine à cet égard. Elle ne voit pas de loin et de haut comme Chateaubriand. Elle ne prête pas aux objets naturels ses propres sentiments, comme Lamartine et Hugo, et ne les fait point vivre de sa vie. Elle vit de la leur, s'en laisse pénétrer et intimement envahir, toute passive, mais encore passive sans effort, si je puis dire, et sans cette affectation à se confondre et à se perdre dans le monde matériel qui est le défaut de ses imitateurs. Elle est vraiment un paysan, tout empreinte sans le savoir des visions accoutumées. Seulement elle en prend conscience et est un paysan qui sait parler. Je ne vois qu'elle, en ce siècle, peut-être avec Fromentin, qui ait cette manière nette, simple, infiniment délicate et sensible, mais aisée et naturelle, de voir les choses. Elle a trouvé là ses œuvres supérieures et qui resteront, Fadette, le Champi, Jeanne, et au-dessus de tout, la Mare au Diable et les Maîtres Sonneurs. Elle y a trouvé aussi le germe d'une quatrième et dernière manière, inférieure, mais bien aimable encore et charmante. Je parle de ses romans des 10 dernières années. C'est une transformation assez légère de sa troisième manière. Ce sont des espèces d'idylles bourgeoises, mais au fond ce sont encore des idylles. Voici comme elle procédait alors, avec un goût instinctif qui depuis 1846 environ ne lui a guère fait défaut. Elle sentait que le roman à thèse ou à tendance n'était point son fait et n'intéressait plus, qu'il convenait de réserver ses expositions de théorie pour ses lettres à Flaubert ou pour le feuilleton du temps. Elle sentait aussi que l'idylle proprement dite était épuisée et le Berry suffisamment exploité. En conséquence, elle voyageait un peu sans quitter la France, voyait l'Auvergne, Jean de la Roche, le Velay, le marquis de Villemer, la Provence, la confession d'une jeune fille, les Alpes, Balbèdre, la Savoie, Mademoiselle la Quintigny, la Normandie, Mademoiselle Mercouem, notait quelques paysages, surtout sentait vivement et délicieusement le caractère et le charme particulier de la contrée parcourue, et dans chacun de ces cadres naturels, plaçait une histoire d'amour très simple et très douce, d'allure lente et de nuances délicates. Un jeune homme et une jeune femme très purs, très généreux et très tendres, séparés par un obstacle léger, que leur délicatesse exagère, que leur amour, leur confiance mutuelle, parfois une circonstance heureuse, finissent par vaincre ou aplanir. Voilà de quoi sont faites ces œuvres fines et pénétrantes qui semblent faites de rien. Ce sont bien des idylles encore, moins fortes, moins savoureuses, plus imaginées, d'un grand charme pourtant, d'une pureté de ligne ravissante, d'une émotion douce qui s'insinue et envahit peu à peu sans qu'on y prenne garde. Tout cela n'est pas très profond, ne contient pas des révélations étourdissantes sur les secrets ressorts de notre nature, mais remue d'une passion si tendre, si pleine et si heureuse, qu'on ne songe point à demander autre chose et qu'on serait fâché qu'il s'y mêlât de ces grosses découvertes sur les passions humaines qui vous arrêtent au passage, vous forcent à réfléchir et à devenir un peu pédant pendant un quart d'heure. Et puis, on a beaucoup trop dit que la psychologie de George Sand n'existe pas. Elle n'est point profonde, elle n'est point vigoureuse, mais elle est fine et avisée. Voici une définition de la sympathie qu'elle jette en courant dans une de ses lettres. L'indulgence profonde et l'espèce de complaisance lâche et tendre que l'on a pour soi-même, nous l'avons l'un pour l'autre. L'espèce d'engouement qu'on a pour ses propres idées et la confiance orgueilleuse qu'on a en sa propre force, nous l'avons l'un pour l'autre. Tout le passage est d'un moraliste délié qui sait admirablement s'écouter sentir. Il y a des états d'âme qu'elle connaît très bien et qu'elle analyse avec une sûreté tranquille, sans étalage, d'un art qui passe inaperçu aux yeux du lecteur pressé et qui n'en est que plus louable. Les âmes d'artistes, avec leurs différents mélanges de vanité, d'impatience, d'égoïsme inconscient et de naïveté, Floriani, Teverino, Consuelo, les Maîtres Sonneurs, le Château des Désertes, elle et lui, sont bien saisis et poursuivis par elle dans leurs brusques disparates et leurs détours et retours fuyants. Elle a des acteurs, le Château des Désertes, Pierre qui roule, le beau Laurence, qui sont d'une vérité complexe, francs et faux, enthousiastes et plats, grossier avec des délicatesses inattendues, le tout mesuré juste et d'une réalité saisissante. Elle aime en général les types de femmes énergiques et d'hommes faibles, Lélia, André, Simon, ce qui tient à ce qu'elle était femme, et énergique, et que, précisément pour cela, elle avait eu du penchant pour les hommes faibles. Mais elle comprend très bien et exprime vigoureusement les défauts du sexe dont elle est. Valverde. Elle a très finement peint la jeune femme rusée et pratique, personnage secondaire de Mercouem et Quintini. Et aussi, elle a un grand goût pour les caractères d'hommes intrépides et austères, les stoïciens sans charlatanisme, graves et simples, Valverde, M. Sylvestre. Elle avait beaucoup cherché et cru trouver ce type dans la vie réelle, Barbès. Elle l'a tracé avec amour, non sans grandeur. Elle a eu grand tort de ne pas faire plus de romans historiques. Elle comprend très bien l'esprit d'une époque, l'état des sentiments d'un homme ordinaire à tel moment important de l'histoire. Si Cadio et Nanon n'étaient pas trop longs, ils seraient des ouvrages supérieurs. Tels qu'ils sont, ils offrent un grand intérêt. Le premier volume des Bois dorés est un chef-d'œuvre. Aucun critique n'a aussi bien donné la notion et l'impression vive du tour d'esprit artistique et littéraire des contemporains de l'Astrée. Elle n'a point si mal vu son siècle même, ce qui est le plus difficile. Elle a bien signalé, Quintini, Mercouem, ce passage curieux de l'esprit chevaleresque et romanesque à l'esprit positif, pratique et désenchanté qui a marqué le milieu de notre siècle et qui a montré tout à coup des pères plus jeunes de sentiments que leurs fils. Mais le charme et le trésor de cette œuvre, ce sont les jeunes filles. On sait comme les vraies jeunes filles sont rares dans notre littérature. Il n'y en a guère dans nos classiques. Molière seul et Marivaux en ont esquissé quelques-unes. L'auteur de la nouvelle Héloïse n'a jamais vu une jeune fille de sa vie. Celles de Chateaubriand et d'Hugo sont très pâles, peu vivantes, sans complexité, tracées d'un seul trait un peu convenu. Mais la jeune fille réelle, non point l'enfant, ni la jeune femme, mais la femme naissante, naïve, douce, timide, avec ses coquetteries ingénues, ses dépits légers qui font sourire, ses petites audaces craintives, son tour d'esprit invinciblement romanesque, avec l'éternelle pudeur de paraître telle, et ses longs espoirs muets, et ses longues attentes discrètes, et l'orage du cœur sous le calme du front, tout ce petit monde si vibrant, tout concentré et replié, difficilement entrevu, qu'il faut deviner, et qu'il faut peindre d'un trait si léger et si fin, sans rien alourdir ni écraser. Tous les auteurs y échouent, et George Sand quelquefois aussi, mais non pas toujours. La première partie de la Quintini, Mademoiselle Mercouem, le délicieux Mont-Revêche sont des chefs-d'œuvre en ce genre. La confession d'une jeune fille, malgré l'intrigue biscornue et les personnages secondaires trop invraisemblables, est d'une délicatesse infinie, et c'est un charme que cette lente excursion dans une âme pure, aimante, généreuse, étonnée et inquiète. Ce qui déroute dans ces ouvrages, et ce qui a dégoûté quelques lecteurs, c'est un penchant trop complaisant au romanesque des situations. Mode du temps ou inclination personnelle, je ne sais. Mais à des histoires très simples en leur fond, George Sand a toujours mêlé des aventures extraordinaires, très inattendues et très inutiles. Le mélodrame intervient toujours à un moment donné. Léon et Léonie, cette histoire si vraie et si forte, n'avaient nul besoin d'une telle accumulation de crimes atroces. Combien Manon Lescaut, qui a servi de modèle, est plus simple. Et Léoné n'en dit pas plus pour cela, mais c'est un entraînement. Elle s'y laisse toujours aller. Les paysanneries même ont leur acte de tragédie. La fin des maîtres sonneurs en est gâtée. Et aussi Jeanne, et aussi Mauprat, et tous, sauf la mare au diable. Edmond Abou disait à un débutant, « Jamais d'invention, vous savez. Dans ce qui vous est arrivé, et à vos amis intimes, il y a certainement 30 romans très curieux. Il faut seulement les voir. Je tiens cette règle de George Sand. » Eh bien, il est très vrai que George Sand part de la réalité et sait la voir, et l'aime fort, qu'on reconnaît ses amis dans tous les personnages qu'elle nous montre. Mais il y a un moment où elle s'échappe, comme pour se divertir, glisse dans l'invention fantastique, imagine un fait divers. C'est un divertissement un peu commun. Si le mot vulgaire pouvait trouver sa place dans un article sur George Sand, c'est à cette inclination qu'il s'appliquerait.